Chapitre 16e. Comte de Mussidan. Il ne s'en était pas tenu à ce nom et à ce titre. Il avait expliqué ce qu'étaient les Mussidan, puis il avait parlé des Puylaurens, ses ancêtres maternels, représentés actuellement par une vieille fille fort riche habitant le Tarn, dont il était l'héritier. Enfin, il avait nommé aussi ses deux fils, Sébastien et Frédéric, mais sans dire un mot de la mère de ses enfants et des grands succès qu'elle avait obtenus dans tous les cirques de l'Europe et de l'Amérique, ce qui était bien inutile. Si, après avoir appris tout cela, cette généalogie et cette illustration, elle n'était pas heureuse et fière d'avoir pour amant un homme tel que lui, c'est qu'elle était vraiment bien difficile. Simple passereau, il était déjà effrayant pour elle, mais comte de Mussidan, combien l'était-il plus encore? Descendant d'un évêque et d'un ambassadeur, héritier certain d'une grande fortune, père de deux fils qui occuperaient l'un et l'autre un haut rang dans la diplomatie et le clergé, tout cela n'était pas pour la rassurer. À vrai dire, il n'y avait pas là de quoi la stupéfier. Elle avait toujours cru qu'il était un personnage, mais dans ses rêveries, comme elle était restée loin de la vérité. Comte de Mussidan. Passereau, il la prenait pour femme. Elle eût cru lui faire injure d'en douter. Mais comte de Mussidan ne pouvait-il pas éprouver des difficultés du côté de sa famille à faire d'elle une comtesse? Il devait les rencontrer, ces difficultés. Elle, comtesse, c'était absurde. Elle n'avait pas besoin qu'on le lui dit. Elle le sentait bien. Est-ce qu'elle avait rien de ce qui fait les comtesses? Dans son angoisse, une chose cependant la soutenait. C'était de penser qu'il était un honnête homme, un galant homme. Comme il le disait de lui-même. Et les honnêtes gens font toujours leur devoir coûte que coûte, comme il le disait encore. Mais ça ne serait pas sans lutte douloureuse qu'il le pourrait faire. Lutte avec sa famille, ses tantes dont il devait hériter, ses fils et d'autres parents encore, peut-être, dont il ne lui avait point parlé. Cette tante, indignée de le voir déchoir dans un pareil mariage, ne le déshériterait-elle point? Ses fils ne se fâcheraient-ils point? Et elle eût tant voulu n'être pas pour lui une cause de tourments, de chagrin, de guerre. Elle eût tant voulu le rendre heureux, lui prouver que près d'elle, il jouirait maintenant et à jamais d'un bonheur parfait. Avec une pareille préoccupation, il ne pouvait pas lui venir à la pensée de parler la première de mariage, ni directement, ni même par des allusions plus ou moins adroites. Ce serait lui qui, dans sa loyauté, aborderait sûrement ce sujet. Elle n'aurait qu'à attendre. Ainsi elle allait d'un extrême à l'autre, se disant un jour avec désespoir, est-ce qu'une pauvre fille comme moi peut être comtesse de Mussidan? Et le lendemain, se disant avec confiance, il n'est pas possible qu'il ne me prenne pas pour sa femme. Et elle l'attendait, tâchant de deviner dans quelle disposition il était, l'examinant à la dérobée, l'étudiant, notant ce qu'il disait, pour le comparer à ce qu'il avait déjà dit, et n'arrivant à rien de précis, ne s'arrêtant à rien. C'était ce qui était en elle qu'elle lisait, non ce qui était en lui. Si encore il l'avait aidée, un tout petit peu aidée, mais non. Il se montre avec elle ce qu'il avait toujours été depuis qu'elle le connaissait, bienveillant, affectueux, la traitant avec une sorte d'affabilité protectrice, ne lui parlant qu'avec douceur, mais aussi restant toujours digne et imposant. À ses anciennes habitudes, il n'avait apporté qu'un changement. Comme autrefois, il s'en allait tous les jours dans l'après-midi faire sa promenade sur les boulevards et aux Champs-Élysées. Et en plus, le soir, après dîner, il sortait de nouveau pour lire les journaux dans un café de la place Pigalle. Elle eût été heureuse que, comme au premier temps de leur intimité, il restât près d'elle à causer pendant qu'il travaillait en l'écoutant. Mais une fois, il avait manifesté le regret de ne pas savoir ce qui se passait et de ne pas se retremper comme autrefois, pendant quelques heures dans ce qu'il appelait un milieu intelligent. Et le lendemain, elle l'avait elle-même prié de se donner ce plaisir d'aller passer un instant au café. Et pour que cela fût possible, elle lui avait mis chaque jour quelque argent dans sa poche. Les hommes ont d'autres idées, d'autres besoins, d'autres plaisirs que les femmes. Et elle ne voulait pas que par elle, il eût à souffrir si peu que ce fût, au moins en un pareil sujet. Et il ne parlait point. Le mot qu'elle attendait, il ne le disait pas. Et elle ne lui en voulait point, ne comprenant que trop la force des raisons qui lui fermaient la bouche. C'était une juste fierté, le respect de son nom, l'honneur de sa famille, l'intérêt de ses enfants. Mais pour se mettre si bien à la place de M. de Mussidan, elle ne sentait pas moins dans toute leur angoisse les difficultés de sa situation. Aussi ne fut-elle pas très surprise d'éprouver quelque malaise. Ils avaient pour cause son inquiétude, sans doute, ses mauvaises nuits sans sommeil, ses heures de fièvre. N'était-il pas tout naturel qu'elle eût perdu la régularité de l'appétit, et ne l'était-il pas aussi qu'elle éprouvât des maux d'estomac et des mauvaises digestions? En travaillant, il lui arrivait souvent de sentir sa bouche se remplir d'eau, et elle avait alors des éblouissements et des défaillances. Au bout d'un certain temps, cet état de malaise général, assez pénible, qui allait en s'aggravant plutôt qu'en s'améliorant, produisit un amaigrissement sensible. En même temps, elle remarqua qu'elle avait triste mine, les traits tirés, les yeux cernés, le regard terne. Quel désespoir! Si elle allait perdre sa fraîcheur et devenir laide tout à fait. Non seulement elle la perdit, cette fraîcheur, mais encore, en s'étudiant dans son miroir, ce qui n'avait pas été son habitude jusqu'à ce moment, elle constata que son front se couvrait de taches bistres, qui ne tardèrent pas à s'étendre sur son visage, particulièrement sur les paupières, la racine du nez et les lèvres. Jamais elle n'avait été malade. Était-il possible que ce fût l'inquiétude seule qui causât les accidents dont elle souffrait? Si elle n'avait eu le courage, elle aurait été consultée un médecin. Mais elle n'en connaissait qu'un, celui qui avait soigné sa mère. Il n'osait affronter les questions que certainement il lui poserait et auxquelles elle devrait répondre sincèrement, sans rien cacher, sans rien omettre. À la pensée seule des regards qu'il attacherait sur elle, le rouge lui montait au visage. Ne se troublait-elle pas déjà quand ses amis limoniers l'examinaient? Et cependant, s'il devait avoir du courage, c'était avec eux qu'il aimait assez et qui était assez bon, assez indulgent, pour excuser toutes les faiblesses, au moins pour les comprendre. Mais comment avouer la vérité? Comment parler de ce qu'elle soupçonnait vaguement? Il vint un moment où ce fut Madame Limonier qui prit les devants et qui parla elle-même. « Vous êtes souffrante, mon enfant, cela se voit, et cela nous inquiète. » Au premier mot, elle se sentit les joues brûlantes, puis la rougeur gagna le front, le cou. Madame Limonier, qui la regardait, s'arrêta un moment, touchée de cette confusion, émue aussi. « Ce que je suppose est-il possible ? » demanda-t-elle à voix basse et en détournant les yeux. Angélique hésita un moment, puis d'une voix à peine perceptible. « Oui, » dit-elle. Si Madame Limonier n'avait plus d'enfant, elle en avait eu et savait par expérience quels sont les symptômes généraux de la grossesse. Elle l'interrogea, et sa conclusion fut qu'il y avait grossesse. Mais cette conclusion, elle ne la dit que timidement, avec réserve et avec un air peiné, désespéré. « Ma pauvre enfant, ma pauvre Angélique !» Et la prenant dans ses bras, elle l'embrassa affectueusement, comme une mère eût embrassé sa fille. « Du courage, du courage !» Elle était si bien absorbée dans sa propre émotion qu'elle ne pensait pas à regarder celle qu'elle voulait consoler. À un certain moment, ayant levé les yeux, elle vit que le visage qu'elle avait devant elle ne trahissait pas du tout le désespoir, mais plutôt une sorte de joie intérieure. « Et quoi ? » s'écria-t-elle. « L'aimez-vous donc si passionnément que vous soyez heureuse d'avoir un enfant de lui ? Oh, ma pauvre petite ! Mais si j'ai un enfant, il m'épousera ?» Et malgré la recommandation qui avait été faite de ne pas répéter ce nom de Mussidan, elle raconta pour quelle raison ce mariage sur lequel elle comptait ne s'était pas encore fait. Mais maintenant,